je suis un peu ces crises de remords. Le temps c'est cool, là. Mon amour, je recommencerai plus. Le temps c'est cool, là. Hey mon chum, j'ai encore bu du fort. Le temps c'est cool, là. Je vais finir à la rue. Le temps c'est cool, là. Pour profiter de chaque instant, comme si c'était le dernier. Puis surtout pas se morfondre, que la fin vient nous sonner. 10 pas de plus et je tombe dans la déchéance. J't'aspire partout, j'ai trop couru. La prochaine fois, il faut que je pense. Arrêtez vos stupides conneries. Puis laissez place un peu à l'ordre de la vie. Laissez tomber vos inquiétudes et puis vos remords. Du tatana encore à vivre, fuck off ces mauvais sorts. Je suis prosterné, toujours devant. Je continue sans cesse d'avancer. Peu importe les péchés, j'ai plus comme être dans le passé. J'ai que du temps, j'en ai encore pour m'honorer. La croissance de ma souffrance tardera plus jamais. J'en aurai plus grâce à vous, je peux encore avancer. J'suis à peine jeune, en parfaite santé, pas besoin de crier. Que je vais mal, oh Dieu, montrez-moi le droit chemin. Vers l'ombre, la peine que j'ai en masse purgée. Cette déchéance qui m'a fait croire que j'avais perdu mon innocence. Que je suis un jeune adulte qui est en santé, puis surtout qui a pas besoin de s'inquiéter. Mais, d'un côté, il faut toujours se dire que. Lâche un peu ces crises de remords. Le temps c'est cool, là. Mon amour, je recommencerai plus. Le temps c'est cool, là. Hey mon chum, j'ai encore bu du fort. Le temps c'est cool, là. Je vais finir à la rue. Le temps c'est cool, là. Lâche un peu ces crises de remords. Le temps c'est cool, là. Mon amour, je recommencerai plus. Le temps c'est cool, là. Hey mon chum, j'ai encore bu du fort. Le temps c'est cool, là. Je vais finir à la rue. Le temps c'est cool, là. Le temps encore s'écoule pour que je puisse apprendre que des erreurs ça arrive à tout le monde. Pas besoin de se morfondre, c'est assez les mauvais joueurs. S'il y en a un qui essaie de m'avoir, crée-moi que je vais pousser un cri du cœur. Je vais sortir toutes les mots pour finalement prouver que tout ce qui m'a passé par l'esprit sont pas de la folie, mais ceux de mon adversaire, oui. Et le temps s'écoulera jusqu'à temps que ton sens de la perception soit d'une étincelle si peu flamboyante. Et oui, et bon, pense pas à la fin tout de suite. Oui, je me parle, mais c'est peut-être la meilleure manière de constater que du temps j'en ai encore. Lâche un peu le fort. Et le temps s'écoulera. Lâche un peu ces crises de remords. Le temps s'écoulera. Mon amour, je recommencerai plus. Le temps s'écoulera. Hey mon chum, j'ai encore bu du fort. Le temps c'est cool, là. Je vais finir à la rue. Le temps c'est cool, là. Lâche un peu ces crises de remords. Le temps c'est cool, là. Mon amour, je recommencerai plus. Le temps c'est cool, là. Hey mon chum, j'ai encore bu du fort. Le temps c'est cool, là. Je vais finir à la rue. Le temps c'est cool, là.